Hébreux chapitre 8. Or l'abrégé de notre discours, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu dans les cieux, ministre du sanctuaire, et du vrai tabernacle, que le Seigneur a dressé, et non pas les hommes. Car tout souverain sacrificateur, est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices, c'est pourquoi il est nécessaire, que celui-ci aussi ait eu quelque chose pour offrir. Vu même que s'il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur, pendant qu'il y aurait des sacrificateurs, qui offrent des dons selon la loi, lesquels font le service dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes, selon que Dieu le dit à Moïse, quand il devait achever le tabernacle. Or, prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant notre souverain sacrificateur a obtenu un ministère d'autant plus excellent, qu'il est médiateur d'une plus excellente alliance, qui est établie sous de meilleures promesses. Parce que s'il n'y eut eu rien à redire dans la première, il n'eût jamais été cherché de lieu à une seconde. Car en censurant les Juifs, Dieu leur dit, « Voici, les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai avec la maison d'Israël, et avec la maison de Juda, une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père, le jour que je les pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont point persévéré dans mon alliance, c'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur, c'est que je mettrai mes lois dans leur entendement, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et chacun n'enseignera point son prochain, ni chacun son frère, en disant, connais le Seigneur, parce qu'ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je serai apaisé par rapport à leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. En disant une nouvelle alliance, il déclare vieille la première, or, ce qui devient vieux et ancien, est près d'être aboli.